La faim remonte dans le désert. Les souvenirs de l'Égypte reviennent. Le peuple murmure contre la liberté. Quand l'estomac crie plus fort que la peine. Mais le ciel ouvre sa cuisine. La manne tombe au matin. Chaque jour suffit pour vivre sans accumuler pour demain. La dépendance quotidienne est une école de la foi. Tu donnes le pain pour aujourd'hui, pas pour tout contrôler demain. Tu nous apprends à te faire confiance jour après jour dans nos besoins. Tu donnes le pain aujourd'hui, et la peur de manquer s'apaise. Car chaque matin répète encore.